Deutéronome chapitre 19, quand l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations desquelles l'Éternel ton Dieu te donne le pays, et que tu posséderas leur pays, et demeureras dans leurs villes, et dans leurs maisons, alors tu sépareras trois villes au milieu du pays, que l'Éternel ton Dieu te donne pour le posséder. Tu dresseras le chemin, et tu diviseras en trois parties les contrées de ton pays, que l'Éternel ton Dieu te donnera en héritage, et ce sera afin que tout meurtrier s'y enfuit. Or voici comment on procédera envers le meurtrier qui se sera retiré là, afin qu'il vive. Celui qui aura frappé son prochain par mégarde, et sans l'avoir haï auparavant, comme si quelqu'un étant allé avec son prochain dans une forêt pour couper du bois, et avançant sa main avec la cognée pour couper du bois, il arrive que le fer échappe hors du manche, et rencontre tellement son prochain, qu'il en meurt, il s'enfuira dans une de ces villes-là, afin qu'il vive. De peur que celui qui a le droit de venger le sang ne poursuive le meurtrier, pendant que son cœur est échauffé, et qu'il ne l'atteigne, si le chemin est trop long, et ne le frappe à mort, quoiqu'il ne fût pas digne de mort, parce qu'il ne haïssait pas son prochain auparavant. C'est pourquoi je te commande, en disant, sépare-toi trois villes. Que si l'Éternel ton Dieu étend tes limites, comme il l'a juré à tes pères, et qu'il te donne tout le pays qu'il a promis de donner à tes pères. Pourvu que tu prennes garde à faire tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu aimes l'Éternel ton Dieu, et que tu marches toujours dans ses voies, alors tu t'ajouteras encore trois villes, outre ces trois-là, afin que le sang de celui qui est innocent, ne soit pas répandu au milieu de ton pays, que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, et que tu ne sois pas coupable de meurtre. Mais quand un homme qui haïra son prochain, lui aura dressé des embûches, et se sera élevé contre lui, et l'aura frappé à mort, et qu'il s'en sera fui dans l'une de ses villes. Alors les anciens de sa ville enverront et le tireront de là, et le livreront entre les mains de celui qui a le droit de venger le sang, afin qu'il meure. Ton œil ne l'épargnera point, mais tu vengeras en Israël le sang de l'innocent, et tu prospéreras. Tu ne transporteras point les bornes de ton prochain que les prédécesseurs auront planté dans l'héritage que tu posséderas, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour le posséder. Un témoin seul ne sera point valable contre un homme, en quelque crime et péché que ce soit, en quelque péché qu'on ait commis, mais sur la parole de deux ou de trois témoins la chose sera valable. Quand un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un, pour déposer contre lui le crime de révolte, alors ces deux hommes-là qui auront contestation entre eux, comparaîtront devant l'Éternel, en la présence des sacrificateurs, et des juges qui seront en ce temps-là, et les juges s'informeront exactement, et s'il se trouve que ce témoin soit un faux témoin, qui ait déposé faussement contre son frère, tu lui feras comme il avait dessein de faire à son frère, et ainsi tu ôteras le méchant du milieu de toi. Et les autres qui entendront cela craindront, et à l'avenir ils ne feront plus de méchantes actions comme celle-là, au milieu de toi. Ton œil ne l'épargnera point, mais il y aura vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied.